Imaginez-vous, vous êtes en pleine forêt. À l'aube, le givre craque sous vos pas. Et soudain, un sort y apparaît. C'est un moment magique. C'est ce que vit chaque jour notre invité, le photographe Sébastien Beck, n'est-ce pas ? Tout à fait. Il passe des heures immobile dans des bois pour capturer un regard, un battement. Un battement d'aide, une lumière unique. Aujourd'hui, on découvre son univers sauvage et poétique. Bonjour et bienvenue dans cette émission, La Voix de la Région. Merci, bonjour Théo. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Il fait beau, ça va très bien. Ah bah avec ce beau soleil. Ouais. Dis-moi, donc tu es photographe, c'est ça ? C'est ça, je suis photographe animalier, donc en fait je viens expliquer un petit peu mon parcours. Si je peux expliquer aussi deux, trois méthodes que je fais, un message aussi que je véhicule. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai accepté de venir. C'est une passion naissante, c'est ça, une passion que tu as depuis tout petit, depuis l'enfance ? Exactement. La photo est venue plus tard, mais la nature, c'est vraiment depuis tout gamin. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton ressenti par rapport à l'environnement, à la faune ? Actuellement ? Actuellement. Eh bien, écoute, actuellement, mon ressenti, c'est que j'y voue une grande admiration, vraiment. Après, évidemment, je trouve qu'on n'en prend pas assez soin. Voilà. Je trouve qu'on regarde pas assez, et c'est ça le message que je veux véhiculer, surtout, c'est la regarder pour être sensibilisé et pour pouvoir l'aimer. Et pourquoi du coup, et pourquoi t'es venu cette passion pour la nature, pour la faune, voilà, pour la photographie après, donc qui viendra par la suite, mais d'abord pourquoi la nature en elle-même? Alors pourquoi la nature? Eh bien je pense que ça vient de l'enfance évidemment. J'ai grandi dans un vieux corps de ferme avec mes parents et c'était, comment expliquer, c'était souvent des balades dans les bois. Enfin, en fait, c'était pas une éducation, attention, mais j'ai grandi vraiment dans un cadre nature. C'était la pêche, l'agriculture, toutes ces choses-là. Et avec les amis, les week-ends, tout ça, c'était les cabanes dans les bois. J'étais tout le temps dans les champs, enfin. Donc en mode aventurier, à la scout. Ouais, un peu ça, ouais. Oui. Donc t'es débrouillard quand même, débrouillard, t'es capable d'aller. De survivre en nature, de faire feu de camp, de... Ah, survivre, je sais pas. Après, en nature, ouais, je suis très à l'aise, ouais, vraiment. Hein. Vraiment très à l'aise. Est-ce qu'il y a des techniques à connaître, à savoir ? Les différentes plantes, par exemple, les différents champignons ? Bah alors, les champignons, c'est vrai que c'est bien de se renseigner. Les plantes, bah écoute, je connais un petit peu, après, j'en consomme pas, quand même. Après, des conseils, mettre des chaussures sales. Y aller, y aller avec des vêtements pas forcément adaptés, on va dire, pour la ville. Mais ouais, voilà, les premiers conseils. Donc c'est ce cadre un petit peu pittoresque, finalement, ouais. Un cadre assez majestueux là, que la nature nous offre. Est-ce que tu te souviens de ta première photographie, ouais. Ton premier cliché que t'as fait? Je m'en rappelle très très bien, c'était au mois de mai, c'était le 16 mai 2020. Tu vois, c'est précis. Hein. J'étais avec un ami, on était à l'affût, et c'est là, en fait, je commençais. Et je me rappelle très bien, il y avait un. On était en lisière de forêt, et là, il y a un chevreuil qui est sorti. Et à ce moment-là, j'étais tout tremblant d'adrénaline. C'est la première fois que je voyais un animal d'aussi près. Et là, j'ai photographié. Et là, ça a été un basculement un petit peu dans ma manière de voir la nature aussi. Le fait de figer un animal sauvage, ça, tu te dis, mais en fait, après, de le partager, que ça sensibilise les gens, et en plus, que c'est quelque chose que j'aime, ça fait quelque chose. On ressent un peu des frissons, l'animal est devant toi. Oui. Est-ce que tu as un petit peu peur de louper, entre guillemets, cette photo ? Est-ce que... Quel effet tu as à l'instant T quand tu vois ce chevreuil devant toi ? À l'instant T, tout de suite, c'est de la fascination. Je m'en souviens, je tremblais beaucoup. C'était pas de la peur, c'était vraiment de l'adrénaline. Vraiment, j'étais en train de me dire, mais waouh, je suis en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Alors que le chevreuil est un animal commun, mais de le voir d'aussi proche, de le voir sans qu'il me voit, de le voir vivre comme ça, il y a une émotion en fait qui m'a transpercé. Et là, je me suis dit, mais je veux faire ça tout le temps. Après, c'est comme une drogue, hein, j'y pensais tout le temps. Donc ça a été l'élément déclencheur finalement, hein, ouais. Qui t'a emmené vers la photographie animalière. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce style, pourquoi ce style plutôt qu'un autre ? Parce que du coup, ça t'a fasciné dans la manière d'observer le comportement animal, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il y a aussi le fait que ça m'a appris justement que, on peut observer des animaux de tout près et on peut en apprendre énormément. Donc ça nous enlève évidemment des peurs qu'on peut avoir parce que quand on connaît pas, souvent dans l'imaginaire collectif, la forêt c'est un endroit, voilà, ça fait peur, c'est dangereux, il faut faire attention aux animaux sauvages. Alors là, et là tout de suite, ça casse tous ces clichés. Et après, en fait, on l'aime. Donc on a envie de la protéger, cette forêt et tout ça, et tous les êtres vivants. Et à force d'aller en forêt, justement en nature, est-ce que t'as tes repères, t'as des habitudes? Est-ce que les animaux te reconnaissent? Alors, je sais pas s'ils me reconnaissent, mais en tout cas, je les reconnais. Je ne pense pas qu'ils me reconnaissent. Bien sûr que j'ai des habitudes, j'ai mes petits endroits où j'aime aller, où je sais qu'il y a des animaux. J'ai vraiment mes endroits fétiches, on va dire. Après, non, je pense pas qu'ils me reconnaissent, non. Dans les endroits fétiches, tu dirais quel lieu, donc dans le territoire du Grand Est, hein, puisqu'on est dans la voie de Ouais. la région, il y a un beau territoire C'est assez, ça. assez vaste. Ouais, c'est ça. Donc finalement, quel endroit est fascinant? L'endroit le plus fascinant, c'est vraiment autour de chez moi. J'habite dans un petit village, Autreville-sur-Moselle. C'est entre Nancy et Metz. Et en fait, ça a été mon terrain de jeu pendant très longtemps. Déjà, c'est là que j'ai fait mes armes. Donc là-bas, j'ai vraiment mes petits havres de paix, si je peux dire, mes petits endroits fétiches. Voilà. Tes habitudes d'enfant, Ouais. finalement, et de contrée lointaine, en fait, finalement. Autreville, c'est un beau petit village pour commencer la photographie. Bien sûr. Oui. Et avec quel appareil, du coup, tu photographies des clichés? Alors, tu veux que je dise avec quoi j'ai commencé Avec aussi? quoi t'as commencé? Avec. Alors, j'ai commencé avec un Nikon D3300, c'est un petit appareil photo bas de gamme, mais très bien pour commencer. J'ai fait mes premières images avec ça, et c'était vraiment parfait. Et aujourd'hui, j'utilise un Nikon D500, donc c'est un peu plus haut de gamme, avec un objectif 500 mm en focale fixe, donc ce qui permet vraiment d'avoir une proximité avec les animaux tout en étant un peu éloigné. Donc on évite le dérangement en plus. Donc tu dois jouer sur la vitesse d'obturation, c'est ça? Ouais, c'est ça, vitesse d'obturation exactement. D'obturation. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut vraiment de la bonne lumière. Parce qu'en photo, c'est connu, hein, s'il n'y a pas de lumière, c'est compliqué. Quoique maintenant, avec les ISO, on peut monter loin, mais bon, parfois, c'est pas suffisant. Surtout que moi, j'ai pas vraiment encore de style. J'ai pas encore ma patte, parce que ça fait que 5 ans. Un style, ça met du temps à se développer. Mais j'essaye. Donc du coup, tous les réglages, je fais plein de tests. En fait, j'expérimente tout le temps aussi sur le terrain. Donc c'est en cherchant qu'on trouve et qu'on essaye de chercher sa patte finalement, Ouais, son style. Parce bien sûr, ouais. que du coup je pense que tu t'es inspiré de photographes célèbres. Mais bien sûr, oui, bah évidemment, je regarde ce que d'autres photographes font, des talentueux, je sais pas si on peut les citer, On peut les citer bien mais il y évidemment. a Vincent Munier, par exemple, qui est une référence dans la photographie animalière. Teddy Bracard, qui est aussi un ami, qui fait des clichés formidables. Jérémy Villet, que dire d'autre? Des photographes un peu... Comment Fifine aussi et pour Monteville. Ah bien sûr, voilà, oui, Fifine, évidemment, là, j'allais oublier. Évidemment. Enfin voilà, il y a vraiment. Et puis même d'autres photographes, on va dire, moins réputés, je m'inspire vraiment un peu de tout. Donc j'essaye vraiment de refaire ma patte à moi, sans recopier les autres. Voilà. Et c'est ça qui est difficile. Vraiment. Donc en fait, c'est une manière à toi de t'exprimer, en fait, la photographie. C'est un moyen d'expression finalement. Parce Bien que du coup, sûr. tu te libères et tu proposes aussi des clichés à tes proches, à tes amis. Tu veux démontrer un message quelque part. Bien sûr. Parce qu'on est dans une époque où on est en surconsommation Et et on a effectivement. tendance à oublier un petit peu la nature. Hein. Ouais, c'est ça. Ce que j'essaye de montrer à travers ces photos, moi, ce que je véhicule, c'est déjà le calme, l'apaisement. Je trouve qu'une photo d'animaux sauvages est quelque chose de très apaisant, quelque chose de très doux. Après, évidemment, tout dépend de la photo. Ça dépend comment on veut la mettre en valeur, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je véhicule ce que j'essaye de véhiculer comme message à travers la photographie. Ma manière d'exprimer ça, c'est de ralentir. Ralentir un petit peu, justement. De prendre le temps de regarder ce qu'il y a autour de chez vous. Parce que là, on parle autour de chez moi, mais c'est valable pour partout, en fin de compte. Et le message, c'est ça, c'est regarder ce qu'il y a autour de chez vous. Et ça fait du bien d'y aller. Et ça calme, tout de suite. Voilà ce que... Regardez autour de chez vous, c'est très bien dit, c'est une très Voilà. belle phrase. Oui. Et on va s'écouter une musique, c'est Ed Sheeran. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Us when we die, keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Ed Sheeran, photographe, donc ça te satisfait bien, je trouve, cette chanson. Oui, assez, oui. Je l'aime beaucoup, en plus, cette musique-là. Il y a quand même une façon un peu poétique, un peu immersion dans un univers... Oui, carrément. D'un photographe, en fait. Ah oui, bien sûr. Ah, ici, oui. D'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et justement, cette passion t'a transformé en vidéaste, en documentaire aussi. C'est ça. Tu fais des documentaires incroyables, ouais. Notamment sur les histoires sauvages, un documentaire merci. Qui a fait plus de 3000 vues ouais, sur Internet. Ça. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu l'histoire, sur comment l'histoire on a fait ce film. Documentaire, comment t'as fait le film. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à avoir eu l'idée d'avoir conçu ce film. D'accord. Quand j'ai commencé la photographie animalière, 2 ans après, donc en 2022, il y avait beaucoup de gens qui se demandaient ce que je faisais quand même. Enfin, parce que c'était, les gens étaient intrigués de voir toujours un jeune homme monter habillé en buisson dans les bois. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais je sais filmer, j'ai le matériel pour, et si je m'amusais à filmer les animaux et un petit peu la nature. Et avec l'envie de raconter quelque chose, évidemment. Donc, j'ai demandé à un ami à l'époque qui m'a aidé, qui m'a filmé pour pouvoir montrer ce que je vis sur le terrain, Louis Alexandre, qui est l'ami qui m'a filmé dans mon premier film documentaire de 27 minutes, c'est ça. Donc le but était vraiment de montrer mes débuts en tant que débutant, l'apprentissage, évidemment avec le message à la fin du film qui est de vraiment, bah, encore une fois, ralentir, vraiment. Ouais. Et du coup, vous êtes tous les deux originaires du bassin de Mussy-Pontin, c'est ça ? Oh, c'est ça. Alors, Louis-Alexandre, lui, il habitait à l'époque dans mon village. Aujourd'hui, il a déménagé, mais je suis toujours en contact avec. Il est toujours en Lorraine. Hein, on est toujours en contact. C'est un passionné de nature aussi, également. Donc voilà comment on a fait ce film. Ça a pris 8 mois, quand même, hein, à tourner. Et puis après, on l'a présenté dans ma commune, à Hautreville-sur-Moselle. Il y avait un public qui était là et il y a eu comme un petit succès. Et il y a eu un effet un peu boule de neige. De là, s'est suivi une exposition, plusieurs. Et puis voilà. J'imagine qu'il y a eu des séquences fortes, des moments, des clichés forts. Est-ce que du coup, il y a un cliché, une séquence qui t'a particulièrement marqué? À filmer ou à photographier? Les deux. Les deux? Filmer, photographier, les deux. Moments forts, j'en ai eu tellement. En fait, c'est tous des moments forts, hein, si je peux dire vraiment. Après, en particulier, ouais, la première fois que j'ai vu mon renard de tout près, évidemment, ouais, Waouh. à photographier. Là, c'était pas prévu, vraiment. Et il est sorti, il était vraiment tout tout proche. J'ai pu le Ah photographier. oui. Donc là, c'était un moment très fort. C'était ma première photo de renard, donc là. Donc là, tu ressens les émotions du Ah, renard. mais là, je me Enfin, rappelle comme si c'était hier, vraiment. tu l'as regardé dans les Ah yeux, vous oui. vous êtes regardé, Ah, il y a eu il un échange, y a un hein. échange de regards. Il y a eu un Ah. échange, effectivement. J'étais stupéfait. C'est là que tu vois que finalement, tu fais quelque chose avec du sens. Bien sûr. Et une fois que tu as compris ça, bah, c'est gagné, Oui, c'est beau. merci. Et c'est quoi le moment le plus difficile que tu as traversé durant ce tournage, durant ce film? Donc, dans le premier film, le plus dur, c'était peut-être le froid. Ah, deux Parce que le fois. film représente assez bien l'hiver. On n'a pas trop de séquences d'été, on en a un petit peu. Mais le froid. Donc encore, on a eu des moins 4, moins 6. Donc parfois en affût, c'est un peu compliqué, mais ça va. Donc d'avoir beaucoup de vestes Ouais, sur toi, c'est des. ça, ouais. Puis c'est humide, tout ça, donc en rentrée, on était un peu mouillé aussi, c'était pas forcément agréable. Mais voilà, on l'a fait quand même. Malgré ça, la Lorraine, c'est une belle région. Voilà, exactement. Même s'il fait froid, Oui. on a des beaux coins, Bien sûr. un beau Ah territoire. oui, bien sûr. Et le plus magique que tu as vécu Ah, le plus magique que j'ai vécu. dans ce film, hein. Dans le premier film, le moment le plus magique. Et à un moment donné, j'ai filmé. J'avais jamais vu de sanglier. Ça paraît bête, hein. Mais en fait, c'est dans ce film-là où j'ai filmé mon premier sanglier. Donc pour moi, c'était incroyable parce que je me suis dit, ça y est, il n'y aura pas de sanglier dans le film. J'étais déçu alors qu'il y en a partout des sangliers. C'est une espèce que j'ai beaucoup de mal à photographier, mais la chance a bien fait les choses. J'ai vu des sangliers, j'ai pu les filmer, donc c'était formidable. Et en plus, les sangliers, on a plus de mal à le voir, à le Ouais. photographier, alors qu'on a tendance à voir des renards ou Oui. des biches, simplement, Ouais, c'est mais les ça, ouais. sangliers, on a du mal à les apercevoir. Bien sûr, parce que c'est un animal nocturne, donc c'est très compliqué. Mais ouais, pourtant, il y en a partout, c'est ce que je dis. C'est que, voilà. Et toi, du coup, ton matériel, du coup, t'as un camouflage quand tu prends des photos, c'est ça? Tu Ouais. camoufles comme tu l'as expliqué dans ton film? Oui, c'est ça, je suis entièrement camouflé. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fais pour prendre une photo, donc les étapes que tu fais avant d'avoir une prise de vue, une photographie, justement? Et bien en fait, pour parler déjà du camouflage, je suis équipé vraiment comme un militaire, hein, si je peux dire, un peu comme un tireur d'élite, en fin de compte, hein, avec des tenues de camouflage, des fausses feuilles et tout ça, cagoule, gants, vraiment, tout ça pour être le plus dissimulé dans la forêt. Et ensuite, vraiment, ce que je fais sur le terrain, c'est que je vais beaucoup me promener en forêt, justement, ou dans les champs. Je cherche des indices de présence, donc ça va être des empreintes, des crottes aussi, hein. Non, ça paraît bête, mais c'est vrai. Des coulées, hein, c'est les chemins que les animaux fréquentent. Plein de choses comme ça. Et en fait, c'est comme une expertise, c'est un peu comme une enquête. On enquête, on se renseigne, on lit des livres, et après, on va se placer à un endroit stratégique, là où on a vu beaucoup d'empreintes par exemple, beaucoup d'indices, et après bah, c'est la patience qui fait la magie, voilà. Donc tu restes plusieurs temps sur le terrain finalement, Ouais, ah oui, tu tout à fait. attends que quelque chose te passe. Ah oui, bien sûr. Ça peut être comme 1 heure d'attente et il va y avoir quelque chose, un animal, ou ça peut être 6 heures et il n'y aura rien. Quelqu'un qui regarderait tes photos, qu'est-ce que tu veux transmettre à travers tes photos? La transmission, c'est vraiment, moi j'aime bien le regard. Je dis souvent, enfin, les yeux d'un animal ont le pouvoir de parler. Le regard d'un animal, je trouve ça vraiment très fort. Ça véhicule plein de choses, j'ai l'impression. C'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens, à mon public, c'est regardez la nature, regardez-la. Vraiment, c'est super important. Sans elle, on n'est rien. Un message plein d'espoir finalement. Ouais, Plein bien sûr. d'espoir Oui, bien sûr. et très humanisme finalement. Oui, aussi. Je suis optimiste, hein. Très très optimiste Oui, aussi parce bien qu'il sûr. faut, il faut un Bien petit peu sûr. d'optimisme dans ce Ah monde. Mmh, oui, tout à fait. effectivement. Alors là, tu as un projet de concevoir un autre film, un autre documentaire. Voilà, ouais. Oui, Donc oui. c'est Nous sommes les oubliés. Bien sûr, voilà, Un c'est autre, ça. tu as fait un teaser sur internet. Oui. Alors j'ai plus les stats en tête mais qui a fait quand même beaucoup de vues, qui a fait 188 vues, pardon. Donc sorti le 16 octobre 2025. C'est ça. Donc on l'a publié partout. On va l'écouter. Et on va voir ce qu'il y a au bout du chemin. Surtout, tu restes bien derrière moi. Tu vois, c'est quand même ça qui me plaît, c'est le peut-être rien. T'as beau t'installer à un endroit, avoir fait tes repérages correctement, c'est jamais sûr à 100%. C'est ça que j'essaye de montrer à travers mes photos. C'est pas seulement la belle image. Ce message de la beauté et de cette utilité de la nature. C'est à partir de ce moment où Seb se retrouve dans son monde. Je le vois dévoré par la photo qu'il a prévu de faire. Tu peux avoir ce bonheur juste là, quoi. Il est un peu là le secret. C'est ça la mission du photographe animalier. C'est capturer des scènes de vie qui sont éphémères. Quand tu vois ça, t'as le temps qui s'arrête. Donc, nous sommes les oubliés. Ouais. Donc un film qui paraîtra quand, dis-moi. Alors, quand en fait, si tu veux, il n'y a pas vraiment de date définitive. Il y a plusieurs dates qui vont se dérouler au fur et à mesure de l'année. Donc pour ça, en fait, il va falloir me suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est moi qui annonce les dates, évidemment, quelques mois à l'avance, quelques semaines à l'avance, évidemment. Mais il y a des dates qui sont en cours de programmation. Donc, tes réseaux sociaux, Sébastien Beck. Oui, c'est ça. Donc sur Instagram. Instagram, Facebook, Facebook. YouTube... Voilà. Et tout le tralala qui suit derrière. Voilà, c'est ça. Donc, un film en collaboration avec un certain William... Voilà, William Genke. William Genke. C'est ça. Donc, en fait, je vais t'expliquer ce qu'il a fait, lui, sur le film. En fait, j'avais l'idée de faire un film un peu plus gros, plus ambitieux, assumer mon message, vraiment. Donc, j'ai demandé à William Genke, mon ami, William, de me filmer. Parce qu'évidemment, je voulais encore montrer aux gens ce que je vis sous le terrain. Donc, lui, William, il a vraiment été, si tu veux... C'est comme si je disais à quelqu'un, écoute, viens avec moi, et voilà ce qu'on va voir. En fait, sa caméra, ça a été ses yeux, en fait. Et moi, je parle à sa caméra, comme si, enfin, en fait, je lui parle à lui. Et du coup, il y a un échange dans ce film. Et à la fin, en fait, je lui dis alors, ce que t'en as pensé. Parce que par contre, ça a duré 2 ans. Ouais. Donc, comme un échange, finalement, avec le public. Exactement. Et toi, finalement, le photographe qui... C'est ça. Photographie. Voilà, le but, c'était ça aussi, c'est que quand le film est projeté, du coup... Que le public ait l'impression aussi que je lui parle. C'était ça un peu l'idée. Donc c'est un clip de 52 minutes Oui, c'est ça. Le film dure 52 minutes. Oui, c'est ça. Donc beaucoup plus ambitieux que le premier. Donc un long métrage finalement. Voilà. Il a pris 2 ans à tourner. Okay, donc tu as toutes des réflexions sur les comportements ouais. de la faune et de la flore finalement. Mmh. Oui, tout à fait. Et sur les enjeux qui sont. Ouais. Qui se suivent en fait. Oui, c'est ça. En fait, dans le film, je parle vraiment de plusieurs choses. Donc, il y a une partie vraiment où je me présente quand même. Je présente un peu ma démarche, mes pratiques, comment moi je fonctionne. Et il y a un moment aussi où j'explique justement, je trouve les dérives qu'on peut avoir. Il y a aussi évidemment un message d'espoir à la fin, mais sans être moralisateur. Ça, c'est important. Tes images et tes photographies montrent un réel enjeu, une réelle beauté du monde sauvage, mais aussi sa fragilité. Je pense que les images que les photographes animaliers peuvent faire, pas que moi évidemment, je pense qu'elles font du bien au monde. Je pense qu'elles font du bien aux personnes qui les regardent. Et que ce soit les photos comme les films d'ailleurs. Ça permet de, je pense, de se poser des questions, de se dire mais oui, il y a ça aussi qui fait partie de notre monde. Et c'est vrai que mais sans ça, en fait, notre monde, il n'existe plus. Donc une notion thérapeutique et ouais. Sociale finalement. Oui, un petit peu évidemment. Parce que du coup, il y a un enjeu de sociabilisation oui. à travers des images. Mmh. tout type d'image, en fait. Bien sûr. Une image peut nous faire du bien. Ouais, de l'apaisement. De l'apaisement. Je trouve, ouais. Même, pourquoi pas nous faire même sourire, triste. Il y a plein d'émotions. Ça dépend de chacun, évidemment. Quel regard, aujourd'hui, portes-tu sur les relations entre l'humain et l'animal? Et la nature aussi, la faune et la flore. Le rapport entre l'homme et les animaux sauvages, tu veux dire? Et la faune et la flore, en général. Bah, je trouve qu'il y a eu des améliorations, quand même. Mais je trouve que... elle est un peu compliquée. On a beaucoup... beaucoup de personnes me posent la question, des fois, est-ce que j'ai peur des animaux sauvages? Est-ce que c'est dangereux? Et je réponds que non. Non, pas du tout. Le rapport que l'humain a avec la nature, il est très difficile. Il y a comme une rupture. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a ce côté où eux, ils sont là, nous, on reste là, et on cherche pas à s'intéresser à eux. C'est plus, on faut éliminer, ou faut... Voilà. Il y a une rupture dans le temps, et ouais. C'est ça. Je trouve qu'il y a une rupture et je trouve ça tellement dommage parce qu'on fait partie, d'ailleurs Vincent Munier le dit très bien, mais on fait partie de la vie sur Terre, nous, mais comme les autres. Ils sont aussi sur cette planète, donc laissons-leur aussi un peu de place, laissons-leur aussi de la place, quoi. Voilà. L'homme a besoin de la nature pour exister, pour vivre. Oui, c'est ça. Et la nature n'a pas besoin de nous, finalement, mais doit être en harmonie avec une main, hein, l'homme, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, ouais. C'est ça le vrai message, c'est que c'est une vraie coexistence qu'il faut. Et aujourd'hui, je trouve qu'on l'a pu. C'est... Voilà. Donc, le message de mes photos, de mes films, c'est ça, c'est d'essayer de retrouver, enfin, de faire retrouver aux gens ce... cette humanité. Ouais, voilà. Cette harmonie. Exactement. Dégagée à travers une image, en fait. Ouais, c'est ça, c'est de se dire, c'est magnifique, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ben, je vais faire attention. Voilà. J'ai conscience, maintenant, de cette existence et qui sont importants. Un enjeu sociétal. Ouais, un petit peu, oui, parce que ça nous concerne tous, hein, pour moi. Ouais, vraiment. La nature, elle nous concerne tous, vraiment. Et si je te dis un mot, tu réponds comme ça, ouais. Instinctivement. Je te dis forêt, lumière, patience, tu me dis quoi? Ça paraît bête, mais toi, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un peu là où je suis heureux, c'est mon étoile. C'est ma petite planète, c'est là où je me sens le mieux, C'est là où j'ai des étoiles dans les yeux, en plus. Voilà. Ouais. C'est beau. C'est bien dit. C'est voilà. Philosophique. Et... Ouais. Ah oui. Très, très philosophique. Et tes projets à venir, t'es engagé dans beaucoup de projets. Énormément. Énormément de projets. Donc, ouais. Comment tu trouves le temps de tout faire? Eh ben, écoute... Mais c'est bien. C'est compliqué. C'est beau. Ouais. Non, mais oui, bah, en fait, oui. Hormis Love Tony Malière, évidemment, j'ai des projets de films, de fiction, hein. Là, je travaille aussi avec l'association de la MJC de Villers-Saint-Etienne sur un long métrage. Hein, donc, rien à voir avec la photo, mais qui se passe sur la Seconde Guerre mondiale. Une autre thématique. Complètement une autre thématique. Mais vu que la vidéo, c'est mon métier. Voilà, des projets de court métrage. On en a terminé un qui s'appelle Blindé. Donc, voilà. J'ai un autre court métrage qui a fini d'être écrit là, qu'on va bientôt tourner. Voilà, au passage, petite dédicace à mon ami Nicolas Mancio qui joue dans mes œuvres. Voilà, et d'autres projets nature, évidemment, pourquoi pas des expositions. Et un autre film, plus sur les espèces, je dirais, beaucoup plus rares. Ça va être par exemple les rapaces nocturnes, ça va être les martres, les fouines, tous ces petits animaux qu'on voit encore moins. Voilà. Donc des projets, tout un tas de projets que tu nous proposes là. Oui. Et également. Tu as fait des courts-métrages sur d'autres thématiques sur chaîne YouTube. Oui, ouais. Donc Sébastien Beck. Ouais. Allez jeter un coup d'œil, hein, c'est vraiment sympa. Et puis, merci. Il y met vraiment du talent, du cœur et de l'émotion. Hein. J'essaie. Une réelle passion, une réelle motivation. En tout cas, ça se ressent. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une passion, même comme la photographie par exemple, ou pas forcément la photographie, une passion en général? Le conseil que je donnerais, eh ben, je vais dire ce que j'aurais dû me dire. C'est que vas-y, fonce. Voilà, n'ayez pas peur. C'est une passion, c'est le plus beau diplôme que vous puissiez avoir. C'est une passion. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a une passion. Et quand on l'a, eh ben, il faut la faire. Voilà, et la vivre. Très important. Vivez la vie, croquez la vie à plein dedans. C'est une passion et voilà. Une passion, ça ne se refuse pas. Exactement. Foncez. Oui. Tant que c'est possible. Voilà. Rien n'est possible, comme dirait une certaine personne, un peu en son âme, Ben. Oui. Rien n'est possible. Et ça, c'est un bon dicton. Exactement, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien, d'avoir partagé ton univers avec nous. Ouais, merci à toi. On rappelle que pour pouvoir découvrir tes photos, tes films et tes autres projets sur tes réseaux sociaux ou YouTube, par exemple, Et bah, on peut te retrouver sur le nom de Sébastien Beck. C'est ça, effectivement. Voilà, c'est simple. C'est simple. C'est tout aussi simple. Voilà. Donc, on te souhaite plein de bonheur, plein de courage pour la suite, pour tes Merci. Projets. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur les ondes de Radio Fadjet. Et bah, avec plaisir. Merci beaucoup.